Banks. C'est sérieux, c'est sérieux. 23, c'est Paris Centre, Alger. Écoute. Le temps que j'en réalise, mon bled est tombé dans le vide. Un peu difficile à dire, enivré par la musique, enivré par la zik. Un gouvernement qu'on n'ose pas contredire. Attentat coup d'état sur un coup de tête entre père et fils. Pendant ce temps dans une ville, ça parle de libre service. Je vois les enfants de Kinshasa entre la vie, la mort, l'agonie. L'or, le diamant, le gaz, le coltan, ces produits qui nous détruisent. Les casques bleus, putain, tout ce travail, je n'en vois toujours pas les fruits. Tu me diras, certainement, c'est la vie et ses aléas. On s'écarte tout doucement, on devient des aliens. Tu me diras, certainement, c'est la vie et ses aléas. On s'écarte tout doucement, on devient des aliens. Je chante l'amour pour le milieu de cette guérilla. Parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Oui. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Il veut pas la vie, moi qui connais pas la guérilla. Dans nos têtes, c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Dans nos têtes, c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. C'est plus là, tout seul devant l'industrie, j'ai chillé. Il me cherche, je suis plus là. Il me cherche. Tu me cherches, je suis plus là. Elle me cherche, je suis plus là. Tu me cherches, je suis plus là. Tu me pousses, je suis plus là. Dire que Pégase est passé par là. Tout seul devant l'industrie, j'ai tiré. Ce soir, on va faire des places, ces cas-là. Va dire à ton patron qu'il est viré. Voilà mon cabis, ma tête est malade. La rue, c'est profond, j'ai pas toujours pied. La vie, c'est breton, chacun ses salades. Allons, si Ruben, le roi de Bourbier. Gardien d'emploi, tireur de cité chaude. La banlieue fait plus voir, la route plus fait léger. L'idée de champignons, ça franchit musique en estrigui. Comme rage, ça reste léger. Rachat des médias. Édition, édition, janvier, décembre, à défense, c'est la guérilla. C'est pas la feria. Je reviens parce que je t'aime en Algérie. Non, frérot, que pas ça. La route elle est passée. J'ai rempli la massa. J'ai fumé le passé. Rien a changé dans le 9-3. J'ai déjà réglé tous mes comptes. J'ai partagé la fusée. C'est pas qui m'a dit non. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour. Live exclusif de Point Trump en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.